Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrans, bonjour. Avec Wikileaks et Julian Assange. Challenge Power, un wiki collaboratif, paru dans lundi matin 254, le 14 septembre 2020. ChallengePower.info est un wiki, un site internet collaboratif dans lequel chacun peut modifier n'importe quelle page et en créer de nouvelles. Il est dédié à la défense de Julian Assange et de Wikileaks, et au-delà, à la capacité de défier les pouvoirs et d'affirmer nos existences par la connaissance et l'action collective, tout Challenge Power. Créé en 2006 par Julian Assange, Wikileaks reçoit, authentifie, publie et archive des documents classés ou restreints transmis par des lanceurs et lanceuses d'alerte au moyen de leur système sécurisé en ligne, après avoir analysé l'intérêt public et la portée historique de ces documents. Les publications de Wikileaks, en partenariat avec de nombreux médias à l'international, ont permis de prouver des crimes et la corruption des puissances étatiques et privées. Leur contribution au journalisme, à l'histoire et à l'accès à la connaissance est indéniable et célébrée. Pourtant, Julian Assange est l'objet d'une persécution politique protéiforme, internationale, intense et soutenue, dont la disproportion n'a d'égal que le potentiel pour le changement et la justice sociale d'un projet comme Wikileaks. Aujourd'hui, pour ses activités journalistiques en Europe, Julian Assange est poursuivi par les États-Unis pour espionnage et conspiration, et risque 175 ans de prison. Dans des conditions honteusement inégales, il se bat en ce moment contre son extradition depuis le Royaume-Uni, qui le détient emprisonné à la prison de haute sécurité de Belmarsh. Contre l'assassinat politique d'Assange et Wikileaks, contre la désinformation, contre la persécution prolongée par la passivité ou la perversité des médias, traditionnels, contre l'amnésie des réseaux, les torrents de boue Twitter où chaque information ensevelit la précédente, ChallengePower.info se propose d'être un îlot enjoué de résistance commune à l'ignominie en cours, et celle qu'on nous promet encore. C'est à la fois une source de connaissances, une base documentaire, une archive populaire, un outil de campagne, et un espace où expérimenter avec des nouveaux modes de publication, c'est revenir au wiki dans Wikileaks, la capacité collective à partir d'une infrastructure ouverte, mutualisée, décentralisée, non censurable. Initialement, et principalement, rédigé et maintenu en anglais, ChallengePower.info contient aussi des pages en français, avec des textes originaux et listant des ressources en français. Ces pages ne sont pas le symétrique exact des pages en anglais, ou des pages des autres langues, puisque ce sont les contributrices et contributeurs qui façonnent le site selon leur gré. Comme tout wiki, ChallengePower.info est toujours un travail en cours, vivant, que tout le monde est invité à enrichir. More power to all, force à toutes et tous. Lien vers l'accueil Challenge et Power en anglais, https://challengepower.info/start. Lien vers l'accueil Challenge et Power en français, https://challengepower.info/fr/start. Ce mois de septembre 2020, une page est tenue pour documenter en français la deuxième partie de l'audience d'extradition à Londres. https://challengepower.info/7-septembre-2020-2-2-audience-2-extradition-Italie-Etanie-VS-Julian-Assange. Quelques trucs et astuces pour participer, https://challengepower.info/fr/wiki-getting-started. C'était une sélection radio parasite. À bientôt, et bon baiser numérique.